Le comité suisse-coréen et le cercle suisse d'études des idées du Juche ont publié le 11 juillet une déclaration commune pour condamner les menées de confrontation fratricide de Park Geun-hye, qui a dit lors du conseil des ministres tenu à la Maison Bleue que le Nord tente divers attentats visant le conflit de l'intérieur de la société sud-coréenne.